encore, plus fier, plus fort qu'avant. Albator, Albator, c'est le héros des enfants. Albator, Albator, il vient du fond des temps. Albator, Albator, il restera le plus grand. Il vogue parmi les étoiles, Albator, au loin dans les galaxies, Albator, c'est le corsaire de l'espace, Albator, embarqué, suivez sa trace, à la barre de l'Atlantis, Albator, il se bat pour la justice, Albator, les cœurs se gonflent d'espoir, Albator, en voyant son drapeau noir, Albator, Albator, plus fier, plus fort qu'avant. Albator, Albator, c'est le héros des enfants. Albator, Albator, il vient du fond des temps. Albator, Albator, il restera le plus grand. Bientôt il nous reviendra, Albator, compter ses nouveaux exploits, Albator, à nous ses meilleurs amis, Albator, pour lesquels il risque sa vie. Il sait qu'une de ses missions, Albator, pourra le conduire un jour, Albator, vers la fille aux cheveux blonds, Albator, qui reste son grand amour.